l'épidémie de Covid-19 et les maladies émergentes, le cerveau, l'antibiorésistance, le cancer, la veille sanitaire, les podcasts de l'Institut Pasteur, une série de 5 podcasts pour faire le point sur la recherche et ses avancées. À retrouver sur toutes les plateformes à l'occasion du Pasteur Don. À travers l'histoire de la lumière, j'ai essayé d'illustrer ce qu'est la recherche de la vérité en science. Comment résister à cette invitation, d'autant plus lorsqu'elle émane d'un prix Nobel de physique qui a précisément travaillé sur la lumière et à son interaction avec la matière au niveau fondamental. C'est donc à un parcours historique, épistémologique et philosophique que nous invite Serge Haroche dans son dernier ouvrage pour tâcher de saisir comment l'humanité a compris pas à pas, par approximation, erreur, mesure de plus en plus précise, ce qu'est la lumière, cet attribut divin, à la source de notre perception du monde et de l'univers. Serge Haroche et la lumière fut, c'est le programme éclairant qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Serge Haroche. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver à ce micro pour parler de lumière, bien sûr, mais aussi de votre rapport à la lumière, à la recherche, de votre parcours scientifique et intellectuel personnel que vous relatez donc dans cet ouvrage « La lumière révélée de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique ». C'est aux éditions Odile Jacob. Mais pour commencer, eh bien, on va d'abord faire toute la lumière sur l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triot pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Voilà, vous le savez évidemment, hein, depuis hier soir, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, un couvre-feu de 21h à 6h du matin sera mis en place à partir de samedi dans 8 métropoles françaises. Oui, on peut se poser la question de quelles données dispose-t-on pour évaluer l'impact d'un couvre-feu sur la transmission du SARS-CoV-2. Eh bien, c'est un peu opaque. Il existe peu de données épidémiologiques à ce sujet, d'autant que nous avons très peu de points de comparaison. Néanmoins, on dispose d'une prépublication, mais qui n'a pas encore été validée par les pairs. Une étude sur les conséquences des couvre-feux en juin-juillet en Guyane française. Alors selon ce préprint, ces mesures auraient fait chuter le taux de reproduction du virus de 1,7 à 1,1, ce qui aurait permis de limiter le flux d'hospitalisation. Pour Pascal Crépé, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'école des hautes études en santé publique, tout cela est à prendre avec des pincettes. À l'heure actuelle, on dispose encore de relativement peu de données. Il y a des études qui ont été faites sur le couvre-feu qui a été mis en place en Guyane. Et ces études montrent qu'a priori, il y a eu un impact assez positif. Et néanmoins, la situation en Guyane et le contexte guyanais est très différent de la situation que l'on peut avoir en métropole. Donc, l'impact du couvre-feu qui est mis en place dans certaines métropoles françaises est pour l'instant théorique, mais comme on n'a pas besoin de réduire de beaucoup en fait les contacts entre individus pour pouvoir contrôler cette épidémie, il est fort probable que ce couvre-feu soit suffisant pour casser la dynamique assez négative que l'on voit dans ces métropoles. Je pense que le gouvernement est parti d'un constat simple, c'est que dans certaines métropoles, dans certains départements, eh bien, les mesures mises en place jusqu'à présent n'étaient pas suffisantes. Et on était encore sur une trajectoire haussière de l'épidémie, notamment en termes d'hospitalisation et d'admission en réanimation. Et donc, il fallait aller encore un peu plus loin pour casser cette dynamique. Mais il est vrai que, pour l'instant, on ne sait pas encore si cette mesure sera suffisante et si elle est suffisante, quel sera exactement son impact et de quel pourcentage de réduction de contact elle va pouvoir amener. Voilà, et on suit, comme vous l'écoutez, l'entendez chaque jour de très près, hein, toujours cette recherche autour de l'épidémie de coronavirus, et suivi du journal des sciences qui est complété tous les vendredis matins par la question du jour dans la matinale de Guillaume Erner, que j'ai l'honneur de vous proposer chaque semaine. Demain matin, il sera question de l'aérosolisation et de la transmission possible ou non par aérosol de ce SARS-CoV-2. Et on passe au bref. Selon un rapport publié hier par l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de Covid-19 risque de ruiner les efforts de lutte contre la tuberculose. Oui, ce sont les effets collatéraux de la pandémie. On a tendance à l'oublier, mais la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus mortelle avant le sida. L'année dernière, elle a causé environ 1,4 million de décès. Selon l'OMS, les ressources humaines et financières pour lutter contre cette maladie ont été réorientées dans la lutte contre le Covid-19. Les retards de diagnostic et la chute des dépistages risque de causer 400 000 morts supplémentaires. Selon une étude parue hier dans la revue Nature, dans les déserts du Moyen-Orient, il y a beaucoup plus d'arbres que prévu. Et le nombre d'arbres isolés, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à des forêts, n'est pas bien documenté. Une collaboration internationale a voulu dénombrer le nombre d'arbres isolés dans l'une des régions les plus arides du monde, dans l'ouest du Sahara, le Sahel et la zone soudanienne. Dans cette zone, d'une superficie de 1,3 million de kilomètres carrés, ce qui représente un 2,5 francs, on compte 1,8 milliard d'arbres. La NASA a fourni des images satellitaires à très haute résolution de cette région, puis un algorithme de machine learning a été entraîné à reconnaître des images d'arbres. Cette découverte remet en question certaines théories sur la désertification des zones arides. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Plus One, si rien n'est fait, les éléphants vont bientôt disparaître de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire sans ivoire, c'est le titre de cette étude qui alerte sur le déclin catastrophique des éléphants de forêt. Si le pays possédait autrefois l'une des plus grandes populations d'éléphants d'Afrique de l'Ouest, on estime qu'il y en avait entre 3000 et 5000 il y a environ un siècle, aujourd'hui, il n'en reste plus que 225. Une chute de 86% depuis 1994. Pour rendre compte de cette extinction massive, des chercheurs ivoiriens ont mené une enquête sur 25 zones forestières protégées à travers le pays entre 2011 et 2017. Le braconnage et la déforestation sont les causes principales de leur disparition. L'étude révèle que malgré leur statut, 71% de ces zones forestières protégées ont été défrichées. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le journal des sciences de la semaine. La lumière révélée de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique, c'est donc le nouveau livre publié chez Odile Jacob par Serge Haroche, physicien, professeur honoraire au Collège de France, prix Nobel de physique, dans lequel, Serge Haroche, vous retracez votre parcours de chercheur qui vous a conduit à travailler dans les pas de votre mentor et formateur, autre prix Nobel, Claude Cohen-Tanouji, sur la lumière et ses propriétés quantiques dans l'interaction avec la matière. Et vous racontez ainsi également l'histoire de la compréhension progressive de ce qu'est la lumière, de sa nature corpusculaire et ondulatoire. Pour commencer, si nous avons intitulé cette émission « Serge Haroche et la lumière fut », c'est évidemment en écho, sous texte un peu mystique, Serge Haroche, de votre titre, d'aucuns diraient religieux, « La lumière révélée ». Alors la lumière étant étayée, comme vous l'expliquez longtemps, considérée comme un principe divin, est-ce que c'est reconnaître précisément une dimension un peu mystique ou disons, allez, métaphysique à vos recherches ? Non, pas du tout. Pas du tout. Effectivement, on m'a déjà fait remarquer que le mot « révélé » pouvait donner à confusion. En fait, j'ai utilisé « révélé » au sens de comment on révèle une image sur une plaque photographique, ce qui n'est rien de religieux. Et j'ai voulu, au contraire, dans le livre, indiquer que l'histoire de la lumière, comment on a compris ce qu'était la lumière au cours des siècles, a accompagné le développement de la science rationnelle, a accompagné l'émergence de la méthode scientifique rationnelle basée sur l'observation et l'élaboration de théories qui n'ont rien de religieux et qui sont au départ de l'aventure scientifique humaine. La lumière, les découvertes sur la lumière ont accompagné les découvertes qui ont été faites dans d'autres domaines. Les personnages qu'on rencontre dans cette histoire, c'est des gens comme Galilée, Descartes, Newton, qui se sont illustrés sur la lumière, mais également dans d'autres domaines. Et les interrogations fondamentales sur la lumière, les phénomènes qu'on n'arrivait pas à comprendre à partir de la physique classique, ont conduit au tournant entre le 19e et le 20e siècle, à la révolution de la théorie de la relativité et de la physique quantique. Et ces théories ont eu un impact énorme, non seulement sur notre compréhension du monde, mais aussi sur toutes les technologies du 20e siècle. Et tout ça n'a rien de religieux. Vous écrivez, Serge Haroche, je crois que c'est dans la postface, « À travers l'histoire de la lumière, j'ai essayé d'illustrer ce qu'est la recherche de la vérité en science. Vous avez le sentiment que la compréhension de la lumière particulièrement fonctionne comme une sorte de métonymie de la recherche de vérité ou de la démarche scientifique ?» Oui, ça révèle, pour reprendre cette expression, ça révèle ce qu'est la démarche scientifique, ce qu'est la recherche permanente d'une vérité qui doit se préciser sans cesse à la lumière d'observations et d'expériences qui remettent en cause constamment les modèles théoriques que l'on construit et qui est basée sur le doute, mais sur un doute rationnel qui est complètement opposé au doute pernicieux que l'on voit surgir en ce moment qui consiste à douter de tout et à considérer que n'importe quelle opinion vaut une théorie scientifique. J'ai écrit cette postface évidemment à la fin de la rédaction du livre au moment où on voyait apparaître de plus en plus ces théories de la contre-vérité, des fake news qui ont alimenté les débats sur la science en général et que l'on retrouve dans la dernière période au moment de cette pandémie avec des déclarations et des affirmations complètement contraires à la vérité scientifique et à la démarche scientifique en général. Alors, on va évoquer dans le sillage de votre livre votre parcours, puisque vous sourcez un peu, et c'est d'ailleurs assez passionnant, dans la première partie du livre, vous expliquez comment vous en êtes venu petit à petit, vous, votre parcours intérieur, mais également à travers un certain nombre de rencontres que l'on va évoquer, eh bien à travailler et à faire de la lumière votre objet d'étude principal. Mais nous voulions, pour commencer, eh bien vous replonger un peu dans le passé via la voix de celui qui a dirigé vos premiers travaux et qui a accompagné votre carrière, Claude Cohen-Tanoudji. Écoutez. Nous avons travaillé ensemble pendant un certain temps, puisque Serge a été un de mes premiers élèves, et un de mes premiers thésitifs. Thésitif, c'est ensemble, thésard, vous voulez dire. Thésard, excusez-moi. Et ensemble, nous avons beaucoup réfléchi aux problèmes d'interaction entre lumière et matière qui font le sujet de cette émission, et nous avons été amenés à introduire progressivement l'image de l'atome habillé de photons, l'image d'un atome interagissant de manière si étroite avec la lumière qu'il n'est plus possible de séparer les deux objets, lumière et matière, de considérer qu'ils forment un tout indissociable qu'on appelle l'atome habillé. Donc c'est un petit peu normal, disons, que nous étudions par la suite des problèmes très, très reliés l'un à l'autre. Vous y étiez, vous vous souvenez, Serge Haroche, c'était chez Antoine Speer, Staccato, en 1998. Oui, ça date, mais je me souviens. Et je me souviens bien sûr des cours que m'a donné Claude Cohen-Tanoudji lorsque j'étais étudiant à l'école normale. Et ça a été vraiment une influence énorme sur la suite de ma carrière. Et c'est ce qui m'a dirigé rapidement vers l'étude de la lumière, d'interaction entre la lumière et la matière. Vous écrivez c'est la préface ou le premier chapitre, peut-être le premier chapitre, sa clarté, la rigueur de ses raisonnements, son enthousiasme à nous faire partager son admiration pour les géants de la physique dont il nous transmettait les idées était communicatif. Je sortais de ses cours avec l'impression d'avoir tout compris, même s'il fallait ensuite beaucoup travailler pour en assimiler les subtilités. Exact, c'est vrai. Je crois qu'on n'insiste jamais assez sur les rencontres que l'on peut faire au cours d'une carrière, la chance que constituent les rencontres et d'avoir un professeur charismatique est une de ces chances. Comment vous décririez le legs de Claude Cohen-Tanoudji sur votre parcours scientifique et intellectuel, Serge Haroche ? Le legs, c'est l'exemplarité d'un homme qui a toujours manifester la plus grande rigueur dans la science, qui a toujours cherché à exposer et à faire comprendre des choses avec clarté. Et ça a été aussi très important dans ma carrière. Claude Cohen-Tanoudji a d'abord enseigné à l'école normale, il a ensuite été nommé très jeune au Collège de France. Au Collège de France, on doit enseigner la recherche en train de se faire. Et dans ses cours, il présentait les recherches sur l'interaction matière-lumière, c'est ce qu'on appelle le refroidissement des atomes par la lumière, avec une très grande clarté. Ça, il a inspiré non seulement moi, mais il a inspiré toute une école de physique française. Lorsque j'ai été nommé à mon tour au Collège de France en 2001, j'ai repris un peu ce flambeau et j'ai essayé dans mes cours également de poursuivre cette présentation de la recherche sur la lumière. Je dois dire que tout ce pan de la physique a bénéficié d'une autre chance extraordinaire qui a été l'invention du laser dans les années 60. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma carrière de chercheur. Le laser est arrivé à peu près au moment où je suis arrivé comme étudiant à l'école normale. Et ça a été une chance extraordinaire. Vous disiez justement, en leçon de clôture au Collège de France en 2015, la lumière était depuis des temps immémoriaux une onde rebelle, malaisée à diriger, à concentrer, difficile à faire osciller à une fréquence bien définie. Le laser a changé cela et nous a permis de domestiquer le rayonnement. Exact. Le Le laser, c'est par opposition à la lumière du soleil ou la lumière des lampes, c'est ce que j'appellerais la lumière sauvage. C'est une lumière qui est désordonnée, qui est chaotique, qui aussi a toutes sortes de fréquences, avec toutes sortes de directions et de polarisation. Le laser a domestiqué cette lumière, a permis de concentrer le faisceau lumineux dans une direction bien définie, avec une fréquence et une phase bien définie, et ça a permis de faire des choses. C'est pas simplement, ça n'a pas simplement permis de gagner en précision, ça a permis de faire des expériences qui ont mis en évidence des phénomènes inattendus. Et ça a apporté une véritable révolution en physique fondamentale. Tout le monde sait que le laser a apporté énormément aux applications. Elles sont innombrables depuis la propagation de la lumière de laser dans les fibres optiques qui est à la base de l'Internet jusqu'à la chirurgie laser ou l'utilisation des lasers pour lire les disques CD et DVD. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Mais ça, c'est de la technologie, des applications. En dehors de ça, et sans doute beaucoup moins connu du grand public, le laser a joué un rôle fondamental pour nous faire comprendre des choses sur la nature, pour mettre en évidence des phénomènes cachés. Et cela grâce aux propriétés extraordinaires du rayonnement laser. C'est notamment grâce à ces travaux-là que vous avez obtenu votre prix Nobel. On va y revenir, Serge Haroche, mais avant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui vous a fasciné dans la lumière pour que vous y consacriez votre vie, votre carrière. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous sommes toute cette heure en compagnie de Serge Haroche pour la sortie de son livre La Lumière Révélée chez Odile Jacob. Dans le premier chapitre de votre livre, Serge Haroche, vous revenez donc sur votre parcours personnel, ce qui vous a amené à poursuivre les recherches que vous avez poursuivies. Ce chapitre s'intitule « L'aube d'une vocation ». C'est intéressant parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne avec les scientifiques que je reçois autour de cette table et à ce micro. La vocation, c'est des questions qu'on pose aux artistes, rarement aux scientifiques. Ça veut dire que vous croyez-vous en la vocation scientifique ? Je crois en fait que la carrière scientifique, le travail d'un chercheur n'est pas une profession comme les autres. Ça doit être une vocation, ça doit être une passion. Et parce que c'est difficile, parce que ça ne marche pas toujours, parce qu'il faut surmonter des difficultés, qu'il faut surmonter l'existence de phénomènes qui viennent brouiller ce que vous cherchez finalement. Et il faut pour cela beaucoup de persévérance et, comme je disais, une véritable passion. Et donc ça, dès ma plus jeune enfance, j'ai été passionné par, au départ par les maths, et ensuite par l'astronomie et des relations entre les maths et l'astronomie. J'ai été ébloui par le fait qu'on pouvait comprendre le monde et par exemple le mouvement des planètes et la composition du système solaire à partir des mathématiques. Et cette adéquation entre les maths et la physique m'a toujours, dès le départ, passionné et intéressé. Et finalement, j'ai fait quelque chose qui est complètement... Je me suis dirigé dans une direction qui est complètement différente de l'astronomie. Mais cette relation entre mathématiques et physique a toujours été un fil directeur dans mon... Vous parlez d'un exemple précis d'ailleurs, hein, Serge Haroche, oui. C'est celui d'Urbain Le Verrier qui arrive à anticiper l'observation de Neptune grâce à ses calculs. Oui, j'ai donné ça comme exemple parce que c'est un exemple qui illustre des tas d'autres événements et phénomènes dans l'histoire de la science. Le Verrier s'est servi d'observation très précise du mouvement de la planète Uranus. Et il y avait quelque chose qui collait pas. Lorsqu'on tenait compte des perturbations des planètes connues, on s'apercevait qu'il y avait une petite différence. Et cette différence lui a permis, par le calcul, de prévoir la position d'une planète hypothétique qu'on a découvert ensuite en pointant des lunettes astronomiques dans la direction et qui était la planète Neptune. Donc Neptune est le résultat d'une observation précise, d'abord de mesures très précises. J'insiste sur l'importance de la précision dans les mesures et également de l'adéquation entre mathématiques et sciences physiques. Et il y a eu d'autres exemples dans l'histoire de la physique que je cite, par exemple le fait que les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont très légèrement différents de ce qu'on attend d'après la théorie quantique, a été le signal qui a prouvé l'existence de ce qu'on appelle les fluctuations du vide quantique. Et donc le vide quantique, c'est un petit peu comme le Neptune de la physique quantique, c'est un résultat qui est tombé de la comparaison entre des mesures extrêmement précises et des calculs extrêmement précis également. C'est cette faculté finalement prédictive des mathématiques, oui. C'est-à-dire qu'elle, cette, oui. capable, cette capacité d'anticiper le réel qui vous motive, qui vous inspire. Oui. Qui vous... C'est une inspiration. En fait, vous avez raison de parler d'anticipation, mais ça, c'est une anticipation à deux niveaux. D'abord, une fois qu'on se sert des mathématiques pour calculer quelque chose qu'on observe, il y a une anticipation, on prévoit ce qu'on va voir. Mais il y a une anticipation encore plus profonde qui fait que des théories mathématiques ont été souvent inventées bien avant qu'on en voit leur utilité pour la physique. Je parle par exemple de la théorie des groupes qui théorise finalement la représentation des symétries dans le monde. Et lorsque Évariste Galois a établi la théorie des groupes dans les années vers l'année 1830, on n'avait aucune idée que ça allait être si important en physique. Et cette théorie des groupes joue un rôle essentiel en physique quantique. 100 ans plus tard, elle est réapparue dans la physique. Lorsque le mathématicien allemand Riemann a essayé de décrire des espaces courbes dans lesquels la géométrie euclidienne ne s'appliquait pas, c'était une recherche qui avait l'air de mathématiques qui avait l'air gratuite. Et puis, 50 ans après, Einstein en a fait un point important de sa théorie de la relativité générale. Donc, on voit sans arrêt cette correspondance entre mathématiques et physique. Et c'est quelque chose qui est extrêmement frappant et qui, je pense, qui distingue la physique d'autres sciences. La biologie dépend beaucoup moins des mathématiques que la physique. Mmh. Vous insistez, vous venez de le dire, mais vous insistez beaucoup dans ce premier chapitre de votre livre, et puis c'est vraiment un point qui revient chapitre après chapitre dans la façon dont vous décrivez l'histoire de la compréhension de la lumière, sur justement la fascination que vous avez pour la précision dans la mesure. Oui. C'est la précision, oui, vraiment qui permet, vous donnez cet exemple, je crois, de l'idée de dire que si on avait des horloges atomiques depuis le début de l'univers, aujourd'hui elles ne seraient séparées que de moins d'une seconde. Oui, je prends un des exemples que je prends, c'est l'évolution de la précision des horloges au cours des siècles. Et à chaque fois que la précision a été gagnée sur la mesure du temps, on a pu faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Les premières horloges précises, ce sont les horloges pendulaires, les pendules classiques qui ont été mises au point par Huygens au XVIIe siècle. Avant Huygens, le temps était mesuré de façon avec une précision extrêmement médiocre. L'horloge d'Huygens a permis d'évaluer pour la première fois la vitesse de la lumière, en combinant des mesures astronomiques avec les mesures du temps. Elle a permis aussi une autre chose qui est moins connue, c'est qu'elle, ça a été le premier signe que la Terre n'était pas sphérique, mais qu'elle était aplatie à l'équateur. Parce que un explorateur au XVIIe siècle avait transporté une des horloges d'Huygens à Cayenne, en Guyane. On parlait de la Guyane tout à l'heure dans un autre contexte. Mmh. Et il s'est aperçu que cette horloge battait un peu plus lentement à Cayenne qu'à Paris. Et cette différence de fréquence était de l'ordre de correspondait à 1 à 2 minutes par jour, ce qui était la précision que ces horloges avaient à l'époque. Et ça a été la première preuve que la Terre n'était pas sphérique, mais qu'elle était aplatie à l'équateur. Et c'est également une preuve du fait que la force centrifuge de la rotation de la Terre influait sur la fréquence des pendules. Voilà encore un exemple. Mais ces horloges-là, leur précision n'est rien à côté de celle qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la lumière. Les horloges optiques qui comptent les oscillations des fréquences lumineuses émises par un atome, maintenant, ont une précision qui est des milliards de fois plus précise que celle de l'horloge d'Huygens. Et ça permet de découvrir des choses différentes. Ça permet de faire des tests extrêmement précis de la théorie de la relativité, restreinte et générale. Et ça permettra peut-être de faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. C'est une précision absolument incroyable. Et le nombre d'ordres et de grandeur qu'on a gagné dans la mesure du temps, grâce à la physique quantique et grâce à la lumière, c'est quelque chose qui donne le vertige. Mmh. Oui, vous parlez de cette notion de vertige, et c'est vrai que on se demande toujours, pour le grand public, on peut se dire, mais à quoi bon reculer encore quand on a une précision à 10-16, 10-15, 10-16, je crois que c'est ça l'atome de césium aujourd'hui. L'atome de césium, c'est 10-16, mais des horloges optiques, c'est 10-18, 10-19. Voilà. On se dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi aller aussi loin et pourquoi demander plus de précision? Mais parce que c'est peut-être en affinant cette mesure qu'on va trouver les premières apories, peut-être. Oui. On espère trouver les apories de la relativité générale. Le diable est dans les détails et il faut étudier les détails si on veut faire progresser. Si on veut faire sortir le diable de la boîte. Oui. Parce qu'on a parlé de lumière révélée, il faut que je fasse un peu un contrepoids. Il y a autre chose alors, parce qu'on parle de science, mais vous expliquez aussi Serge Haroche, et ça, je dois dire que ça m'a réjoui, votre fascination en tant qu'enfant pour les récits d'exploration. Oui, j'étais fasciné par l'exploration de la Terre, par les récits des voyages de Cook, de La Pérouse surtout, parce que ça s'est mal fini, donc c'est dramatique, et aussi de l'expédition de Scott au pôle Sud, qui m'a beaucoup attristé et beaucoup frappé, parce que, comme vous le savez, Scott a atteint le pôle Sud une quinzaine de jours après Amundsen. Il a été extrêmement déçu d'avoir été battu sur le fil comme ça, et il est mort sur le chemin du retour en laissant un carnet dans lequel il a raconté les dernières journées de sa vie et de celle de ses compagnons, et c'était extrêmement poignant. Et c'était un exemple également de rivalité dans l'exploration, qui est plus dramatique que la rivalité qu'on peut rencontrer dans les sciences, mais qui finalement est basée sur les mêmes sur les mêmes idées, le fait qu'on cherche à être le premier. Pourquoi chercher à être le premier? Qu'est-ce que ça apporte? Et c'est vrai dans la recherche également. C'est ça le point de jonction entre l'explorateur et le chercheur. Oui. Il y a un parcours d'exploration, un esprit d'exploration nécessaire à la recherche. Oui, essayer de découvrir des choses nouvelles. Là, vous parlez de l'exploration de la Terre, mais j'ai eu la chance également dans ma jeunesse, d'être le témoin d'une autre exploration, de la conquête de la Lune dans les années 60. Et ça a également joué un rôle dans ma vocation pour faire de la physique. Comment est-ce qu'on passe de Scott, La Pérouse et Cook à Kepler, Galilée, Newton alors? D'abord, c'est plus, c'est moins dangereux dans certains sens, mais c'est finalement aussi exaltant sur le plan de la connaissance. Et on cherche à découvrir des choses inconnues, à suivre un chemin qui n'a jamais été suivi avant vous. Et on peut considérer que les exemples, les gens comme Kepler, Newton, Galilée ou Einstein valent Magellan, Colomb ou La Pérouse dans un autre domaine. Ils sont peut-être moins controversés que ne le sont les grands explorateurs de la Terre. Ils l'ont été néanmoins, ils ne le sont plus aujourd'hui. Mais Serge Haroche, vous orientez, vous l'avez dit, hein, un certain goût pour les mathématiques. On est en pleine époque Bourbaki, vous nous direz si c'est important ou non. Mais vous passez l'X, c'est normal, vous êtes reçu E2, mais vous choisissez normal. Oui, je choisis normal parce que je voulais faire de la recherche, et à l'époque, il était beaucoup plus clair que l'école normale était la voie naturelle vers la recherche. L'X, c'est maintenant davantage orienté vers la recherche, mais c'était moins le cas dans les années 60. Donc j'ai pris naturellement la voie de l'école normale, et j'ai tout de suite été plongé dans ce laboratoire. Vous avez parlé de Cohen Tanuji, mais Cohen lui-même avait comme maître Alfred Kastler, un autre prix Nobel, et Jean Brossel, et eux aussi étaient des personnages extrêmement fascinants et ont joué un rôle important dans ma carrière, parce qu'ils ont créé un laboratoire qui était un havre de liberté scientifique, du fait qu'ils laissaient les jeunes choisir leur domaine de recherche et leur donner les moyens de le faire, à une époque qui est rêvée aujourd'hui, qui est très différente de ce qu'est la recherche aujourd'hui. Oui, parce que Alfred Kastler, je crois, obtient son prix Nobel pendant que vous êtes en train de travailler avec lui. Il y a une superbe photo, vous êtes tous ensemble avec Cohen Tanuji, Kastler, etc. Vous disiez aussi, alors ça c'est peut-être un pas de côté, mais tout de même, j'ai lu quelque part que vous n'auriez pas aimé faire de la physique des particules. Pourtant... Non, c'est pas que j'aurais pas aimé, mais il y a un aspect de disons les choses de façon plus positive, il y a un aspect que j'aime beaucoup dans la physique que je fais, c'est que c'est une physique qu'on peut faire dans un petit groupe, dans un groupe restreint où les relations humaines entre les gens sont importantes, et on peut à la fois essayer de dominer les aspects théoriques et expérimentaux. En physique des particules, on cherche à vérifier la validité de théories qui sont extrêmement profondes et complexes, et qui ont été établies par des physiciens théoriciens, et ça demande de travailler dans des groupes énormes, des centaines de personnes, sur des appareils gigantesques. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas fait d'astronomie, parce que l'astrophysique moderne est également tributaire de grands instruments. C'est une physique qui est absolument passionnante, et je suis fasciné par ce qu'ils font, mais personnellement, j'ai plus une âme d'artisan et je préférais travailler en petit groupe. Oui, vous décrivez les conditions de travail dans ce laboratoire avec Kastler et Brossel exceptionnelles. À quel moment? Alors, donc, il y a un effet de conjonction, puisque Alfred Kessler travaille sur le pompage optique, donc en fait, c'est effectivement le début des lasers. Il y a un moment donné où vous avez le souvenir d'avoir formalisé cette envie d'aller vous confronter à la lumière, à la nature de la lumière, à ce moment où on arrive dans cette nouvelle phase rendue possible grâce à cette révolution technologique qu'est le laser? Oui, effectivement, bon, j'ai commencé, c'était l'époque du pompage optique. Le pompage optique, c'est la méthode qui permet d'orienter les petits aimants qui sont portés par des atomes dans une direction bien définie, en leur faisant échanger ce qu'on appelle du moment cinétique, en leur faisant échanger un pouvoir rotatoire avec la lumière. Mais la lumière qu'utilisaient Kessler et Brossel à l'époque, c'était pas la lumière du laser, parce qu'ils avaient commencé leur recherche avant, dans les années 50, c'était une lumière classique. Et en faisant ce travail... avec Claude, on s'est rendu compte que si on pouvait un jour utiliser les lasers, des tas de possibilités s'ouvriraient à nous. Dans le petit extrait que vous avez montré, Claude parle de l'atome habillé, qui est un concept qui indique que lorsqu'on fait interagir des atomes avec des photons dans des conditions d'interaction intense, on ne peut plus séparer les deux entités. On a un système global qu'on appelle l'atome habillé. En général, on peut traiter cela classiquement. On n'est pas obligé de tenir compte des lois de la physique quantique en ce qui concerne les photons. On peut parler de lumière de façon classique. Mais très tôt, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si le caractère quantique des photons intervenait. Et pour faire cela, le but ultime, c'était d'arriver à faire interagir, à habiller un atome avec un seul photon. À faire interagir un atome avec un seul photon et voir que les propriétés de l'atome étaient modifiées de façon appréciable par un seul photon. Et à ce niveau-là, la physique quantique intervient. On est obligé de faire appel aux lois contre-intuitives de la physique quantique. Mais dans les années 60, c'était un rêve. On était incapable d'isoler un atome, on était incapable de maintenir un photon dans un espace réduit sans qu'il s'échappe à la vitesse de la lumière. Et il a fallu une vingtaine d'années pour que, grâce au laser, comme méthode, comme instrument essentiel pour ces expériences, on puisse vraiment... emprisonner un atome et un photon et voir comment, sur cette scène étrange de la physique quantique, ils interagissent. Je veux tout de suite dire que j'ai pas fait ça seul, j'ai fait ça avec mes propres étudiants qui sont devenus mes collaborateurs. Et d'autre part, j'ai fait ça l'évolution de la recherche mondiale. Et il y a des très nombreuses équipes dans le monde qui ont travaillé sur le même sujet et qui ont fait des avancées importantes dans ce domaine. Et on va revenir à ces travaux qui vous ont valu le prix Nobel en 2012. On va essayer également aussi revenir sur cette histoire de la lumière qui arrive à ce point-là et puis à celle que l'on peut imaginer écrire à partir d'aujourd'hui et dans les années à venir dans quelques instants. Let there be more light, qu'il y ait plus de lumière de Pink Floyd à 16h35, puisque nous parlons de lumière tout au long de cette heure en compagnie de Serge Haroche, physicien, professeur honoraire au Collège de France, prix Nobel de physique et auteur du tout récent La lumière révélée de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique aux éditions Odile Jacob. Serge Haroche, plutôt Pink Floyd ou plutôt Led Zeppelin? Ni l'un ni l'autre, malheureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas. Alors, Serge Haroche, on a évoqué vos travaux dans la lignée de ceux de Claude Cohen-Tanucci et d'Alfred Kastler notamment. Mais vos travaux ont également inspiré de nombreux chercheurs et chercheuses et parmi les plus brillants. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Serge Haroche. Bonjour. Vous avez rencontré Thomas Ebbesen, qui est médaille d'or du CNRS 2019, qui inscrit ses recherches dans les traces de celles de Serge Haroche. Oui, Thomas Ebbesen est physico-chimiste et directeur du laboratoire des nanostructures à l'université de Strasbourg. En 2014, il obtenait le prestigieux prix Kavli de nanosciences pour des travaux de recherche qui ont directement été inspirés par l'un de vos articles, Serge Haroche. Pour le dire très vite, Thomas Ebbesen a mis en évidence à l'échelle nanométrique de surprenantes interactions entre lumière et matière. Il nous retrace tout le parcours de sa découverte depuis la lecture de votre article, Serge Haroche, à la fin des années 1980, jusqu'à son prix obtenu il y a 6 ans. Serge Haroche et son collègue américain Daniel Kleppner ont distillé leur compréhension de la physique quantique dans ce contexte. Ils ont arrivé à présenter dans un article de vulgarisation pour physiciens des concepts très compliqués d'une manière, ils l'ont rendu très accessible et simple. Moi, je suis physico-chimiste de formation, donc je n'ai pas cette formation pour comprendre des livres compliqués de physique quantique. Mais grâce à cet article, j'ai vu une possibilité d'utiliser les concepts qu'il nous présentait dans cet article pour faire une série d'expériences que je fais en fait depuis une dizaine d'années. Mais en voulant faire ces expériences, j'ai fait fabriquer des réseaux de tout petits trous, des espèces d'éprouvettes métalliques dans lesquelles j'allais mettre la matière, les molécules, puisque je suis chimiste, et je voulais contrôler leurs propriétés. Et par un accident de parcours, j'habitais au Japon, je venais d'arriver là, ça faisait 6 mois que j'étais dans une entreprise japonaise où on faisait de la recherche fondamentale, et j'ai essayé d'expliquer à un collègue japonais qui ne parlait pas très bien anglais, et moi je ne parlais pas du tout le japonais, que est-ce qu'il pouvait fabriquer ces tout petits cylindres dans un film métallique sur une lame de verre. Quand il m'a demandé les dimensions, je lui ai dit que c'était 300 nanomètres, c'est-à-dire 300 milliardièmes de mètres de diamètre, et 300 nanomètres de profondeur, c'est très petit, plus petit que la longueur d'onde de la lumière, et il m'a fait comprendre que c'était très simple. Et il m'a demandé combien j'en avais besoin. Et moi, je travaillais dans les centimètres carrés, donc j'ai demandé 100 millions de ces petits cylindres. Il a fait une expression que je n'ai pas reconnue, qui voulait dire « ça va être très, très difficile », mais moi, je croyais qu'il disait « c'était OK ». Donc, je l'ai donc remercié. Et il s'est senti obligé de le faire parce que la dernière chose qu'il voulait faire, c'est que je perde face. Il a fallu quelques mois, mais il m'a apporté un échantillon qui, en fait, était très difficile à fabriquer. C'était 1 cm² de 100 millions de cylindres de petites éprouvettes dans un métallique, creusées dans un film métallique. Parce qu'il y avait 1 cm, je pouvais voir à l'œil nu que je pouvais voir à travers ces tout petits cylindres. Je pouvais regarder à travers, donc la lumière était transmise. C'est comme des verres teintés. Si vous connaissez un peu d'optique, j'en connaissais assez quand même pour savoir que la lumière ne peut pas traverser un trou, ou traverse très difficilement un trou qui est plus petit que sa longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière, dans le visible, étant 400 à 700 nanomètres, les trous faisaient 300 nanomètres. En théorie, la lumière ne devait pas passer, ne devait pas rentrer dans ces trous. Oui, voilà, n'arrive pas à passer, c'est comme si vous essayez de passer à travers le trou d'une serrure, et je vous disais que j'y arrive, vous n'allez pas me croire. Donc vous pouvez imaginer que maintenant je vois à travers, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? La première réaction, c'était bien sûr que l'échantillon était mal fait. Ça, c'est le scepticisme du scientifique, mais au Japon, ils font les choses très sérieusement, donc l'échantillon était parfait, mais il y avait quelque chose de surprenant, et en fait, il y avait plus de lumière qui passait à travers l'échantillon qui tombait sur les trous. parce qu'elle est trop occupée d'une certaine surface et une proportion de la surface, et la proportion de la lumière transmise est plus grande que la proportion occupée par la surface des trous. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière perçait tous les trous et les espaces qui étaient bouchés. Oui, en fait, c'est plus simple que ça, il se trouve. C'est que toute la surface agit comme une sorte d'antenne et la lumière s'accumule et la lumière est piégée à la surface. Elle s'accumule au-dessus des trous, comme si elle était focalisée au-dessus des trous, et il y en a beaucoup plus qui passent à travers que ceux qu'on prévoit par les théories, la théorie qui était acceptée à l'époque. Quand j'ai montré ces résultats au début à mes collègues, spécialement les gens qui connaissaient beaucoup de choses en optique, ils étaient très surpris, très sceptiques. Ils pensaient que je m'étais complètement trompé. D'autres scientifiques m'ont dit non, il ne faut pas arrêter, c'est très intéressant, il faut voir trouver l'origine. Et puis il m'a fallu presque 9 ans avant de comprendre ce qui se passait. Et j'ai finalement publié l'article 9 ans après la première observation. Et c'est cette découverte, cette transmission extraordinaire à travers les trous sublongueurs d'onde qui m'a valu le prix Kavli en nanosciences. En 2014. Alors, vous avez découvert en fait rien moins qu'une nouvelle propriété de la lumière. C'est pas la lumière qui a la propriété de la lumière, elle n'a pas changé, mais c'est la manière dont elle interagit avec la matière que j'ai découvert un mécanisme qui permettait à la lumière de s'affranchir de certaines règles auxquelles on pensait étaient immuables. Voilà. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à Serge Haroche ou bien une question à lui poser? Ah, je voudrais, il le sait, hein, mais je le remercie pour m'en avoir inspiré par son article. Je pense que quand il l'a écrit, il pensait pas qu'il inspirait même, on sait jamais quand on écrit un article comme ça pour atteindre un public large, on sait jamais si ça va avoir un impact ou pas. Mais je lui tiens à le remercier parce qu'il a fait un effort énorme pour rendre des choses très simples. C'est un très grand orateur. Il écrit d'abord des articles, de très jolis articles, très clairs à lire, mais en plus un très bon orateur. Et par ça, il inspire d'autres personnes comme moi et je l'en remercie. Voilà les mots de Thomas Ebessen à votre endroit, Serge Haroche. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre. D'abord, il fait souffrir ma modestie. Et ensuite, je veux dire que c'est un Thomas Ebessen illustre les qualités de ce qui fait un bon chercheur. Il a de la créativité. Il est capable d'extrapoler, de partir d'une information qu'il tire d'un article qui dans un domaine différent du sien pour en tirer une idée qui lui permet de progresser dans une direction différente. Et la propriété de la lumière qui traverse des petits trous, c'est très loin de ce que je fais moi, mais il a été inspiré par un aspect de mes recherches qui a pu lui servir. Depuis lors, il a fait d'autres découvertes intéressantes. Il a montré que les concepts que j'avais mis en évidence dans mes expériences en cavité pouvaient servir pour comprendre comment piloter des réactions chimiques lorsqu'on met des molécules en présence des parois d'une cavité, comment est-ce qu'on pouvait piloter des réactions chimiques, accélérer certaines réactions, faire une espèce de catalyse à l'aide du vide tel qu'il existe à l'intérieur d'une cavité. Et ces idées-là m'ont beaucoup étonné. J'étais très loin de penser que ce serait possible. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la recherche, c'est qu'elle peut aller dans toutes sortes de directions grâce à l'imagination, à la créativité des chercheurs. Et c'est un exemple très, très net et très intéressant que vient de donner Thomas Ebessen. Ce qui est intéressant dans ce que dit Thomas Ebessen également, c'est que, outre vos qualités de chercheur, il souligne vos qualités de vulgarisateur. D'ailleurs, un auditeur qui nous écoute en ce moment les souligne également, et c'est assez universellement reconnu. Et c'est intéressant parce que c'est aussi vraiment l'une des ambitions de ce livre. La lumière révélée, c'est de, même si ça reste un livre, il faut le dire, qui demande une certaine curiosité, qui peut être parfois un peu ardue, mais ça ne fait peur à personne, un peu de complexité dans ce monde. Au contraire, vous avez une véritable volonté, justement, de transmission et de transmission à un public pas nécessairement spécialiste. Ça fait partie de vos ambitions, Serge Haroche. Oui, je pense que la transmission est essentielle en recherche. En fait, on transmet à ses étudiants un savoir accumulé et qui évolue de façon permanente. Et cette transmission d'un chaînon d'une génération à l'autre est essentielle dans la recherche. Et c'est ce qui fait également qu'il faut pouvoir maintenir, quelles que soient les difficultés économiques, il faut pouvoir maintenir la chaîne des générations en recherche et qu'elle ne soit pas interrompue parce que les conditions de la recherche, en particulier faites aux jeunes chercheurs, puissent être difficiles. Donc ça, c'est un autre aspect mais que je voulais signaler à cette occasion. Une autre Vous avez l'impression que la chaîne est interrompue en ce moment ? Non, elle n'est pas interrompue, mais elle est menacée. Elle est menacée par les difficultés dont on pourra parler. Mais... dont on a déjà parlé à ce micro ensemble, par ailleurs. Je vais reprendre le fil. Oui, je pense que c'est important. Il est important de transmettre aux jeunes chercheurs et aux étudiants, de leur transmettre ce besoin de curiosité, cette passion pour la recherche. Et il est important d'essayer de transmettre au grand public ce qu'est la recherche scientifique, pourquoi elle est importante, pourquoi elle constitue un des éléments essentiels de la civilisation. Même si la recherche est gratuite, pas au point de vue de l'argent qu'elle coûte, mais gratuite en ce qui concerne les applications pratiques possibles, elle joue un rôle essentiel parce que c'est un élément créateur de connaissances et que la connaissance scientifique, elle a autant de valeur que la création artistique. C'est un autre domaine de l'imagination et de la création humaine, et notre civilisation vaut la peine d'être défendue parce qu'elle est capable de produire de la connaissance scientifique en particulier. J'aime bien citer cette parole qu'on attribue à un grand physicien qui cherchait auprès du Sénat américain il y a une trentaine d'années des crédits pour construire un nouvel accélérateur. Et un des sénateurs lui a demandé « Mes professeurs, est-ce que ces travaux vont pouvoir servir à la défense des États-Unis ?» Et il a répondu « Non, ça ne permettra pas de servir à la défense des États-Unis, mais ça rendra les États-Unis dignes d'être défendus. » Et je pense que c'est un des aspects importants de la recherche. Vous prêchez des convaincus, hein. La science est une culture, la culture scientifique fait partie intégrante de la culture, et je pense que on se bat au quotidien pour le prouver ici dans la méthode scientifique, mais sur le reste de l'antenne de France Culture. Alors Serge Haroche, on va évidemment pas avoir la prétention de résumer ce livre passionnant de plus de 400 pages dans le quart d'heure qui nous reste sur l'histoire de la compréhension de la lumière, mais il y a peut-être quelques éléments dont on peut parler. Déjà, alors une chose, si on suit une sorte de fil un peu historique malgré tout, qui est assez passionnante, c'est qu'en fait la lumière n'est pas un objet d'étude avant assez tard. Elle n'existe pas comme objet d'étude en tant que tel dans l'Antiquité. Bon, ce qu'on appelle l'optique géométrique, les savants de l'Antiquité avaient commencé à l'entrevoir, mais ça restait extrêmement parcellaire. Il y a eu également quelques travaux au Moyen-Âge, dans le monde arabe. Alors, c'est dans le monde arabe, oui, c'est ça. La première conception corpusculaire, entre guillemets, en tout cas, les prémices de cette conception. Les prémices. D'abord, au départ, on ne savait même pas s'il y avait une théorie qui disait que, en fait, la lumière émanait de l'œil. C'était un signal que l'œil envoyait, comme un peu la canne d'un aveugle, pour explorer le paysage autour de lui. Et c'est un physicien arabe, Al-Haytham, autour de l'an 1000, a dit non, c'est pas du tout ça ce qui se passe. La lumière, elle est émise par le soleil et les lampes qui est diffusée par les objets et elle arrive à notre œil et notre œil est le récepteur et non pas l'émetteur de la lumière. Mais ça restait très qualitatif et ce n'est qu'au XVIIe siècle que les premières théories quantitatives sur la lumière se sont développées. Et ce n'est pas un accident, c'est parce que d'abord les mathématiques se sont développées suffisamment, la trigonométrie en particulier, et parce que les instruments sont devenus de plus en plus précis. J'ai parlé des pendules qui ont permis de mesurer la vitesse de lumière. C'est au XVIIe siècle que cette possibilité est arrivée. Donc j'insiste beaucoup sur la complémentarité entre l'évolution de la technologie et l'évolution des connaissances fondamentales. Mmh. Et c'est à cette époque-là aussi que la démarche scientifique basée sur l'expérience a pris le pas sur les opinions antérieures. Par exemple, Galilée, en faisant ses expériences sur la chute des corps, a invalidé la théorie d'Aristote qui disait que les corps tombaient d'autant plus vite qu'ils étaient plus lourds, ce qui était une intuition fausse de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et c'est au XVIIe siècle, à partir d'expériences précises, que la mécanique est née et que les premières théories sur la lumière sont également apparues. Mmh. Oui, c'est pour ça d'ailleurs on pourrait presque commencer la source contemporaine des travaux et de la compréhension de la lumière, c'est ce que dit votre sous-titre, hein, de la lunette de Galilée, oui. C'est à partir de Galilée qu'on commence à penser la lumière et à créer ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre acception contemporaine l'optique. Oui. Si on avance, parce qu'il y aurait évidemment beaucoup d'étapes en passant par Kepler, Descartes et Newton, ce qui est intéressant et ce dont on pourrait parler maintenant, Serge Haroche, c'est peut-être l'idée que vous partagez ou non, vous allez me le dire, que finalement cette compréhension de la lumière, c'est peut-être la première et jusqu'à preuve du contraire, la seule grande unification, c'est-à-dire qui a été performé jusqu'au bout, en fait, d'une certaine façon, de la physique moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le premier exemple. Enfin, la recherche à la lumière a conduit au premier exemple d'unification entre des phénomènes qu'on pensait disparates et qui n'avaient rien à voir entre eux. Et c'est également une unification entre des conceptions qu'on pensait complètement antinomiques. On ne peut pas terminer cette séance sans parler du double aspect de la lumière, que la lumière est à la fois une onde et un ensemble de particules. Et dès le XVIIe siècle, il y a eu cette discussion entre ceux qui disaient que la lumière était une onde autour de Huygens et ceux qui disaient au contraire que la lumière était formée de particules autour de Newton. Et les deux aspects étaient considérés comme complètement incompatibles. Jusqu'à ce qu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, Einstein les réconcilie d'une façon très étonnante en disant que finalement c'était pas incompatible, que la lumière avait à la fois un caractère ondulatoire et corpusculaire, et que suivant les expériences, un aspect se manifestait ou l'autre, et ça a été le départ de la physique quantique. La physique quantique rend explicite ce dualisme entre l'aspect corpusculaire et l'aspect ondulatoire. Donc la lumière a joué un rôle dans cette unification-là, des deux aspects complètement différents. Maintenant, il y a un autre aspect de l'unification qui est le fait qu'au XIXe siècle, on s'est rendu compte que l'électricité, le magnétisme et l'optique faisaient partie de la même physique. Et ça, l'achèvement de cette unification a été fait par Maxwell dans les années 1860, où il a montré que les ondes électromagnétiques qui se propageaient dans l'espace à la vitesse de la lumière, c'était de la lumière. Et bon, je cite la phrase qu'il a écrite dans l'article où il fait cette découverte, et je dis que c'est une des grandes unifications de la physique. L'électricité, le magnétisme et l'optique sont expliqués par une même théorie. Et il y a eu d'autres exemples. Au XXe siècle, on s'est rendu compte que la radioactivité, c'est-à-dire ce que les physiciens appellent l'interaction faible à l'intérieur des noyaux atomiques, le fait que certains noyaux émettent des particules, comme le rayonnement alpha par exemple, cette radioactivité est également peut-être unifiée avec l'électricité, le magnétisme et l'optique. C'est ce qu'on appelait la théorie électrofaible qui s'est développée à l'époque où je commençais mes études de physique. Et ensuite, on a unifié cela avec l'interaction forte. Et donc, la physique va sans arrêt vers l'unification, essayer d'expliquer des phénomènes différents, disparates, à partir d'une théorie unique. Et il reste un grand graal qui n'a pas encore été atteint, qui est d'arriver à unifier la gravitation avec cela. Et à nouveau, on retrouve Einstein, parce que Einstein a été l'un des points de départ de la physique quantique. Il a été, à lui seul, son cerveau est celui duquel a émergé la théorie de la relativité générale. Et ces deux aspects, ces deux piliers fondamentaux de la physique, sont encore en contradiction. On n'a pas de théorie qui permet d'expliquer la gravitation à partir de la physique quantique, et c'est un des grands but de la physique actuelle. Ce qui est intéressant, Serge Haroche, pour en arriver, puisqu'on on a fait là un parcours, un saut de géant en termes d'histoire des sciences, mais pour arriver à vos travaux et peut-être pendant quelques instants à ce qui peut advenir par la suite, c'est que vous expliquez finalement dans ce livre que vous avez réussi quelque chose tout de même d'ampleur, puisque vous avez réussi grâce à ce travail que vous avez pu faire sur ces atomes habillés, à incarner le rêve, la pensée d'Albert Einstein, qui pensait que ce ne serait peut-être jamais faisable technologiquement. Que se passerait-il si on réussissait à isoler un atome? C'est pas rien de rendre concret un rêve d'Einstein, non? L'idée de qu'est-ce qui se passe si on arrive à isoler un atome ou un photon, c'est une idée qui a fasciné les fondateurs de la physique quantique dans les années 20. Ils faisaient ce qu'on appelle les expériences de pensée. Ils se posaient la question, si j'arrive à isoler un atome et un photon, que je les mets dans une boîte et je regarde comment ils interagissent entre eux, je vais arriver à illustrer les concepts de la physique quantique. Est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que tout colle par rapport à la théorie? Mais ils imaginaient que ces expériences seraient à tout jamais impossibles à faire. Il y a d'ailleurs des phrases célèbres de Schrödinger où il dit que si qu'on n'arrivera jamais à le faire, parce que ça conduirait à des conséquences ridicules si on arrivait à isoler un électron, un atome ou une molécule. Et en fait, les progrès technologiques, en particulier grâce au laser, ont permis de le faire. Et ce que nous avons réalisé avec notre équipe, c'est d'arriver à isoler un photon, un grain de lumière dans une boîte aux parois réfléchissantes, et à faire interagir ce photon avec un seul atome. Et à ce moment-là, on illustre de façon directe les lois étranges de la physique quantique, le fait que l'atome peut être dans plusieurs états à la fois, et que donc il force le champ électromagnétique, le photon, à être là ou pas là en même temps. Et cette existence de ce qu'on appelle des superpositions d'états, est quelque chose qui pourra peut-être un jour servir à quelque chose de pratique. Donc c'est un domaine qui se développe actuellement, qu'on appelle l'information quantique. On essaye de coder de l'information dans un objet quantique individuel et utiliser la logique quantique, cette logique qui fait qu'un objet quantique peut être dans plusieurs états à la fois, tel le fameux chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort, pour faire des choses dans le domaine du calcul, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la mesure. Et c'est un domaine qui est en grand développement actuellement, dans lequel beaucoup de laboratoires en Europe et dans le monde entier sont engagés, et dans lesquels beaucoup de crédits sont mis en jeu. L'Union européenne, au niveau européen, a ce qu'on appelle un flagship, un navire amiral de recherche qui se développe dans le cadre de l'information quantique pour essayer que l'Europe reste en compétition avec des pays comme les États-Unis ou surtout la Chine, qui fait un effort énorme dans ce domaine. On pourrait parler aussi de la cryptographie. Il nous reste quelques minutes, Serge Haroche, pour conclure, puisque alors je vais vous demander ce que tout scientifique devrait se refuser à faire, c'est-à-dire un peu de projection dans le futur après vos travaux et justement pour sortir juste de l'informatique quantique. Quelle est l'étape d'après de compréhension de la lumière? Est-ce qu'on a toutes les clés aujourd'hui? Est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre dans la lumière, si je puis me permettre cette petite... Bon, je crois que c'est difficile de faire des prédictions. Je donne un exemple dans le livre d'ailleurs, des prédictions que les gens faisaient en 1900 sur ce que serait notre technologie en l'an 2000. Et il y a des cartes postales qui ont été publiées à cette époque-là. Et les prédictions sont absolument ridicules. Enfin, ce sont des extrapolations de ce qui se faisait en 1900. Mais personne n'avait prévu ni le laser, ni l'ordinateur, ni le GPS, ni la résonance magnétique nucléaire, etc. Et faire des prédictions aujourd'hui à partir de ce qu'on sait est donc assez dangereux. Donc on peut juste extrapoler sur ce qu'on fait aujourd'hui. Mm-hmm. Dans le cadre de l'information quantique, on peut espérer qu'un jour on aura des communications, ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui fonctionne déjà mais qu'elle deviendra pratique. On peut espérer que les horloges atomiques dont je vous parlais, les horloges optiques, ont une précision telle qu'on peut espérer qu'un jour elles serviront de prévenir des tremblements de terre. Pas de les empêcher, mais de nous permettent de détecter des signaux précurseurs d'un tremblement de terre. Des très faibles déplacements de masse à l'intérieur de la Terre vont faire dévier ces horloges de leur battement régulier et ces variations pourront peut-être servir à cela. Mais je ne sais pas si ça va être ça ou non. On pourrait se servir également de ces horloges atomiques pour détecter des ondes de gravitation qui ont été, on n'en a pas parlé, mais les ondes de gravitation ont été détectées grâce au laser, avec des antennes gigantesques. Des interféromètres LIGO et Virgo. Oui, des interféromètres gigantesques, mais on peut espérer que les horloges de la précision dont je vous parlais tout à l'heure seront telles qu'on pourra, dans un autre domaine de fréquence, détecter des ondes de gravitation avec des systèmes beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, qu'on pourra envoyer dans des satellites que ces gigantesques antennes. Les applications de cela, je n'en sais rien. Maintenant, sur un plan beaucoup plus fondamental, il reste de grandes questions qui, en creux, font implicitement mention de la lumière. Quand on parle de trou noir, quand on parle de matière noire, le mot noir signifie que ça n'interagit pas avec la lumière. Donc il y a une relation en creux avec la lumière et on ne sait pas ce que sont ces concepts. On sait ce que sont les trous noirs, mais on ne sait pas quelle est la physique à l'intérieur de nos trous noirs et on ne sait pas quelle est la nature de cette matière manquante qu'on appelle la matière noire. Donc j'extrapole, ça n'a rien à voir avec les recherches que je fais, mais d'une façon ou d'une autre, les grandes théories unificatrices qui sont nées de la lumière nous serviront peut-être de pistes pour comprendre ce qui se passe et quelles sont les solutions des problèmes inconnus que je viens de mentionner. Serge Haroche, mille merci d'avoir été avec nous pendant une heure, où on en passerait bien deux de plus, à parler de ce livre et de tout le reste. La lumière révélée de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique, c'est chez Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros aujourd'hui à la réalisation et Jean-Guilain Mèche à la technique. Demain, c'est une journée spéciale sur l'antenne de France Culture. Que faisons-nous au débat public? Nous demanderons ce que la crise sanitaire actuelle a fait, notamment au débat scientifique. Comment ce débat qui aurait pu faire de la recherche un enjeu majeur d'information et de compréhension du grand public autour du Covid-19 est devenu une cacophonie souvent inaudible entre faits contre opinions. Nous en parlons demain avec Anne Goffard, Étienne Klein et Yves Agide à 16h, jusqu'à preuve du contraire. Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.